Vous croyez, vous espérez que ces machines vous dispenseront d'avoir vous-même une valeur propre, qu'elles vous communiqueront ce qu'elles possèdent. Détrompez-vous. Rien au monde ne peut vous dispenser d'avoir vous-même une âme, une dignité personnelle, le respect de vous-même, un caractère, une conscience, une parole. Tous les rails de fer, toutes les chaudières à haute pression ne peuvent vous acquitter de l'obligation d'avoir vous-même une trempe invisible, ce ressort interne, ce point moral qui résiste, s'il le faut, au poids de l'univers et constitue l'être humain. Ni le fer, ni le bois, ni la tôle ne vous prêteront leur vertu. Il faut absolument que vous ayez les vôtres, celles qui caractérisent la nature humaine. Aucune machine ne vous exemptera d'être homme. Extrait de La Révolution religieuse au XIXe siècle, paru en 1857 par Edgar Quinet.